It is more important. C'est plus important. C'est plus important. I don't agree with that. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. There will be no more. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. What is a... Qu'est-ce que c'est qu'un? Qu'est-ce que c'est qu'un? I am going to give an example for you. Je vais prendre un exemple pour vous. Je vais prendre un exemple pour vous. On the other hand. Par contre. Par contre. If you do not have. Si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas. If you don't have trust in yourself. Si vous n'avez pas confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous. If you think that you are not capable of. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de. It is going to be more difficult. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. If you are. Si vous êtes. Si vous êtes. You are not going to be able to understand. Vous n'allez pas pouvoir comprendre. Vous n'allez pas pouvoir comprendre. It's very important to have a. C'est très important d'avoir une. C'est très important d'avoir une. In good condition. Dans un bon état. Dans un bon état. We know. On sait. On sait. We know that it is not important to have a. On sait qu'il n'est pas important d'avoir une. On sait qu'il n'est pas important d'avoir une. We think it is necessary to. On pense qu'il faut. On pense qu'il faut. You can never. Vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez jamais. You will never be able to. Vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez jamais. We associate a. On associe le. On associe le. Don't worry about anything at all. Ne vous inquiétez pas de n'importe quoi du tout. Ne vous inquiétez pas de n'importe quoi du tout. Whatever, anything. N'importe quoi. N'importe quoi. The best methods for. Les meilleures méthodes pour. Les meilleures méthodes pour. Does not. Ne fait pas. Ne fait pas. Does not do. Ne fait pas. Ne fait pas. It does not work. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. It can help you. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider. When there is a. Quand il y a un. Quand il y a un. The things that you will want to. Des choses que vous aurez envie de. Des choses que vous aurez envie de. Things that interest you. Des choses qui vous intéressent. Des choses qui vous intéressent. But rather. Mais plutôt. Mais plutôt. I am going there. J'y vais. J'y vais. I have told you about. Je vous ai parlé de. Je vous ai parlé de. I won't talk to you about. Je ne vous parlerai pas de. Je ne vous parlerai pas de. Who can be? Qui peut être? Qui peut être? I hope you will be interested in it. J'espère qu'elles vous intéresseront. J'espère qu'elles vous intéresseront. So I wanted to say. Alors je vous l'ai dit. Alors je vous l'ai dit. When you see that there is one thing that. Quand vous voyez qu'il y a une chose que. Quand vous voyez qu'il y a une chose que. With someone. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Or that it should be used. Ou qu'il faut l'utiliser. Ou qu'il faut l'utiliser. Which I talked about. Dont j'y ai parlé. Dont j'y ai parlé. It doesn't have to be. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être. Try rather to. Essayez plutôt de. Essayez plutôt de. If we want to. Si on a envie de. Si on a envie de. When you see that you are. Quand vous voyez que vous êtes. Quand vous voyez que vous êtes. To use. D'utiliser. D'utiliser. It's very, very rewarding. C'est très très gratifiant. C'est très très gratifiant. That is extremely important. Ça c'est extrêmement important. Ça c'est extrêmement important. But because of this. Mais pour ça. Mais pour ça. So if you need a. Donc si vous avez besoin d'un. Donc si vous avez besoin d'un. I want. Je veux. Je veux. You can visit. Vous pouvez visiter. Vous pouvez visiter. Send me an email. M'envoyer un email. M'envoyer un email. I would be very happy to something you. Je serai très content de vous. Je serai très content de vous. I am really very happy. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. Until the end. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. You will find there. Vous y trouverez. Vous y trouverez. What can they? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? I hope you will something, me. J'espère que vous me. J'espère que vous me. Next week. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Are you going to go? Vas-tu? Vas-tu? But that doesn't mean that. Mais ça ne veut pas dire que. Mais ça ne veut pas dire que. We become capable of. On devient capable de. On devient capable de. And if you do that. Et si vous faites ça? Et si vous faites ça? No matter. Peu importe. Peu importe. The person that believes it. La personne que l'on croit. La personne que l'on croit. It had never taken place. N'a jamais eu lieu. N'a jamais eu lieu. So, now we're going to look at the commonalities between all of these theories. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux points communs entre toutes ces théories. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux points communs entre toutes ces théories. In fact, precisely. D'ailleurs, justement. D'ailleurs, justement. What do we need? De quoi a-t-on besoin? De quoi a-t-on besoin? Because there are so many. Parce qu'il y a tellement de. Parce qu'il y a tellement de. And because of that, we don't trust them anymore. Et à cause de ça, on ne leur fait plus confiance. Et à cause de ça, on ne leur fait plus confiance. What is there? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? What's with me? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? In fact, what counts is not. En fait, ce qui compte, ce n'est pas. En fait, ce qui compte, ce n'est pas. We get rid of. On supprime. On supprime. A little easier to. Un peu plus facile à. Un peu plus facile à.